The talent is the art of producing in the mind of the dead. I'm running away. It's the art of producing in the mind of the enemy. Able to listen each other. The fear to attack. I'm gonna grab the last BNB. I told you about the BNBs. C'est pas clair. Bonheur. posée, tranquille, rangée dans un meublé. Mais voilà le tac-tac de la police. Find anything about your life bizarre. Your life. Faut croire que c'est la société qui nous a défini toi. Your life is... C'est la société qui nous a définitivement activé. I'm not sure. Les messages de mort, le micro d'argent. nous avons la même. J'ai reçu un message d'une autre temporalité, d'une temporalité qui aurait voulu s'aliter. J'ai reçu ce message venu d'une autre temporalité, un message d'un autre âge, un mec qui voulait déjà s'aliter. Il me disait, est-ce que tu bosses demain toi aussi? Mais oui, mais non, mais non. Est-ce que tu bosses demain? Mais non, ça c'est pas fun, c'est pas con. Est-ce que tu bosses? Mais oui, mais non. Moi je bosse pas, mon non. Moi je bosse pas, c'est pas fun, c'est pas fun, que dire. Fondu, pas complètement fondu, complètement pas ému. C'est ce que je dis, non. Tu sais que t'es plus dans le vent que nous. We help each other. quartier, au pied des Pyrénées. Yeah. temps. Tous les gars, on raise some money. dans le quartier. Dernier morceau avant d'aller au loin. Au loin. De loin en loin. comme un bulletin en dérudition. Jamais ne sachant maîtrise. Thank you. Polanski.